Salut, moi c'est Bertrand, Bertrand Kiel. Dans la vie, ce que j'aime, c'est rester calme, pas de stress. Par exemple, pour avoir la paix avec ma voiture, je prends toujours rendez-vous en ligne chez Citroën pour sa révision. Et je bénéficie de 20 euros de remise. Et comme en ce moment, il y a aussi 60 points de contrôle offerts, autant vous dire que ça détend d'autant plus. Oh, c'est fatigant de parler vite. Bref, merci Citroën, c'est cool. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 27 août 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détail de l'offre sur citroën.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est un grand écrivain breton qui a retenu l'attention de Franck Ferrand aujourd'hui et vous avez décidé de nous le présenter. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vous présente en fait deux grands écrivains bretons, si vous voulez. Victor Segalen, qui va faire l'objet de tous nos soins cet après-midi. Nous allons en parler en compagnie de l'autre, c'est-à-dire Yann Kefelek, qui est avec nous dans ce studio. C'est toujours une joie de recevoir Yann. Cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes à l'hiver 1902-1903 à San Francisco. Imaginez l'agitation dans cette ville qui n'a pas encore connu à l'époque le grand tremblement de terre. Ville où se mêlent des populations venues du monde entier. Il y a ceux qui s'installent, ceux qui sont de passage, des aventuriers en quête d'une autre existence, des voyageurs en escale. Et parmi eux, un médecin brestois de 24 ans, Victor Segalen. Ce jeune homme est un peu frêle, mince. Vous l'imaginez avec sa moustache, de grands yeux que cachent un peu des lunettes, comme on pouvait les faire à l'époque, hein, de petites lunettes métalliques. Et au beau milieu de ce grand périple, on peut dire que Victor Segalen s'est arrêté à San Francisco. Il a l'intention d'aller beaucoup plus loin, puisqu'il est engagé dans la marine en partance pour Tahiti. Pour lui, on peut dire qu'il s'agit d'un saut vers l'inconnu. C'est sans doute aussi une façon d'échapper à sa famille étouffante, où il a reçu une éducation assez étriquée. Simplement, à l'époque, se lancer dans un voyage comme celui-là, aller faire le tour du monde, ça n'est pas sans danger. Pendant son séjour aux États-Unis, Victor est gravement atteint par la fièvre typhoïde et il va donc devoir s'attarder tout un moment à San Francisco. Alors on le voit déambuler dans la cité et il découvre les quartiers et notamment il découvre Chinatown. Alors on le voit dans ce quartier de Chinatown, il cherche des objets, il assiste à une représentation de théâtre chinois. C'est une brève immersion dans la culture chinoise. Ça pourrait n'être qu'un épisode de voyage. En vérité, c'est un contact qui va être très important pour Victor. Ça va sans doute, d'une certaine manière, changer sa vie. C'est le début d'une relation qui ne va faire dans la suite que s'approfondir. Retrouvons-le, Segalen, quelques années plus tard, si vous voulez. Alors, le temps qu'il a passé en Océanie a été très stimulant. Il a exercé là-bas son métier de médecin, bien entendu, mais il s'est aussi passionné pour la culture polynésienne, culture dont il a déploré la destruction, à l'époque déjà très avancée, en ce début de XXe siècle. Il a tiré un texte de ses observations, ça s'appelle « Les immémoriaux », livre précurseur dans lequel il tranche avec la mentalité coloniale, qui à l'époque était parfaitement normal et très répandu. Il a découvert également en Océanie une vie beaucoup plus libre. C'est lui qui s'est occupé des effets personnels d'un peintre qu'il ne connaissait pas vraiment et qui a disparu peu de temps avant, Paul Gauguin, bien entendu. Et puis il est rentré, bien entendu. Et même s'il a eu la joie de se marier, il faut bien dire que de retour, il a fait face à un certain nombre de déconvenues. D'abord, son livre, Les Immémoriaux, est resté pour le moins confidentiel. Les projets divers qu'il a pu former n'ont pas abouti. Et il faut vous imaginer un Victor Segalen anxieux, angoissé. Évidemment, la vie lui offre un certain nombre de sujets d'angoisse. Et c'est à ce moment-là que la Chine revient au cœur de ses pensées. Plusieurs de ses connaissances lui ont parlé, de l'Extrême-Orient. Il se dit que lui qui a constamment besoin de s'échapper, il pourrait peut-être trouver là-bas des horizons qui lui conviendraient. Jean-Louis Bédouin raconte, je le cite, C'est Galène qui commence à redouter qu'un séjour trop prolongé en France ne vienne à tarir ses sources d'inspiration, songe sérieusement à partir. Ne confie-t-il pas « Je me suis mis à l'étude du chinois, tout compte fait, j'attends beaucoup de cette étude, en apparence ingrate, car elle me sauve d'un danger, en France, et mes projets actuels menés à bout, quoi faire ensuite, sinon de la littérature ?» En Chine, aux prises avec la plus antipodique des matières, j'attends beaucoup de cet exotisme exaspéré. On reconnaît le style assez particulier de Victor Segalen, sur lequel nous aurons tout à l'heure l'occasion de revenir, évidemment, avec Yann Kefelek. Il faut dire que la marine, dont il dépend toujours en tant que médecin, lui propose un poste d'élève interprète pendant 2 ans en Chine. C'est l'occasion, bien entendu, sous réserve quand même de réussir un examen. Alors, il se jette sur l'opportunité, il obtient, quitte à mentir un peu, un congé de la marine, il apprend la langue, il suit des cours de sinologie. C'est un élève assez brillant. Il va réussir l'examen en question sans difficulté, et le voilà donc muni de tous les titres pour s'embarquer. Et donc, il s'embarque. Le 23 avril 1909, à Marseille, ça veut dire qu'il faut rompre avec sa vie, la vie qu'il avait jusqu'ici. Il quitte sa femme, Yvonne, et leur jeune fils, ce qu'elle semble d'ailleurs assez bien accepter. Le lendemain, il lui écrit « Ma Yvonne bien-aimée, tu as été hier plus belle que tu pouvais raisonnablement l'être. Je t'aurais pardonné toutes les défaillances. J'aime infiniment que tu ne les aies pas eues. » Sa famille viendra en Chine une dizaine de mois plus tard. D'ici là, un de ses amis, Auguste Gilbert de Voisin, l'aura rejoint, et c'est avec lui que Victor a l'intention de mener une sorte de grand voyage, une expédition à travers la Chine. Ce Gilbert de Voisin n'est pas n'importe qui, c'est un homme très riche, qui est d'une culture absolument invraisemblable, assez fragile psychologiquement. Les deux hommes se comprennent néanmoins, ils ont le sentiment qu'ils pourraient faire de bons partenaires de voyage. Quoi qu'il en soit, Victor est seul à son arrivée à Shanghai, puis à Pékin en juin 1909, et tout de suite, il est confronté à cet ailleurs qu'il cherchait. Marie Dolé précise, Pékin le séduit immédiatement. C'est sa ville, comme le chinois est sa langue. Il la décrira à la fois comme un échiquier, comme un labyrinthe. Les enceintes qui la protègent, le plan géométrique, l'importance des tours dans le paysage, mais c'est également une ville où l'on s'égare, ville mal pavée, encombrée de chars à mules, de voitures archaïques, de devantures et d'une foule où se mêlent peuple et dignitaires en grande tenue. On s'engage dans un lacis de ruelles où il est difficile de suivre le chemin que l'on croyait tout tracé. Pékin fascine par son mystère. Eh bien, on peut dire précisément que ce sont le mystère, l'étrangeté, les différences tellement surprenantes de cette civilisation si difficile à saisir. On peut dire que c'est tout cela qui va devenir la source d'inspiration de Victor Segalen, un explorateur ou un voyageur en tout cas, qu'attendent encore bien des aventures. extrait de la bande originale du film Indochine, composé par Patrick Doll à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous jusqu'à 15h. Franck Ferrand vous plonge au cœur de l'histoire de Victor Segalen, le poète parti en Chine. Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes à Pékin, nous sommes en 1909 avec l'histoire de ce médecin brestois de 31 ans, Victor Segalen. Nous suivons ses traces, il devient élève interprète en Chine, ce qui lui donne une grande liberté. Il peut donc découvrir la capitale impériale et préparer une expédition à travers le pays. Alors avant de savoir comment cette expédition s'est passée, Franck, à quoi ressemblait la Chine en 1909 ? Ah, c'est une Chine qui est sous influence, vous savez. Hein, les grandes puissances coloniales se la sont plus ou moins partagées. On n'est pas très loin de tout ce qu'on a connu au 19e siècle. Hein, la guerre de l'opium, la révolte des boxers, etc. En l'occurrence, en 1909, on est dans la première année du règne de Puyi, le dernier empereur de cette dernière dynastie des Qing, qui est complètement essoufflée. Et évidemment, c'est une Chine très décadente que découvre notre Segalen. La démarche qu'il va adopter au moment où il prépare sa grande expédition est une démarche assez différente de celle des autres auteurs en quête d'un exotisme peut-être un petit peu plus pittoresque. Je pense évidemment à Pierre Loti, par exemple, qui à l'époque est la référence en matière d'aventure et de grands voyages. Victor Segalen, lui, cherche plutôt une sorte de contemplation. Il se met à l'écoute du pays. Il n'est pas dans une position de conquête du tout. L'exotisme n'est pas une adaptation, n'est pas la compréhension parfaite d'un hors de soi-même qu'on éteindrait en soi, raconte-t-il. Ne nous flattons pas d'assimiler les mœurs, les races, les nations, les autres. Mais au contraire, réjouissons-nous de ne le pouvoir jamais, nous réservant ainsi la perdurabilité du plaisir de sentir le divers. Toujours cette langue si particulière. Au bout de quelques semaines, voilà enfin Gilbert de Voisin qui arrive. Il n'est jamais trop tard. Alors, les deux amis vont effectuer ensemble un certain nombre de visites et puis ils entreprennent ce fameux grand périple à travers la Chine, ce périple dont ils avaient rêvé l'un et l'autre. N'imaginez pas un voyage modeste de deux baroudeurs partis avec une gourde et un vieux sac à dos. Hein. On est loin de tout ça. L'argent de Gilbert de Voisin permet de voir les choses en grand. Voilà ce que nous dit Marie Dolé. Les voyageurs emmènent tout, absolument tout. Non seulement la literie, mais les lits eux-mêmes, de solides lits en fer, ainsi que les matelas, des fourrures, une bibliothèque complète, une pharmacie, de puissants vérascopes, appareils stéréoscopiques, prenant deux photographies simultanées. On n'oublie ni le beurre d'Isigny en conserve, ni l'alcool, whisky, rhum, cognac. Pour porter tout ce chargement, 5 chevaux, 11 mulets, plusieurs ânes, un palanquin à mules pour les malades. Le personnel est au complet, 2 boys, 2 palefreniers, un cuisinier, un interprète. J'ai envie de dire, le voyage tel que je le considère, moi, tel que je l'envisage. Ça m'irait très bien, ça, comme ça. Et les voilà donc partis pour plusieurs mois dans des régions encore méconnues, des villes grouillantes, des régions dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont peu hospitalières, des vallées aussi qui se révèlent d'une fertilité extraordinaire. Bref, leur parcours les enchante, bien entendu. Plusieurs milliers de kilomètres hein, quand même. Hein. Ils vont passer par Xi'an, par le Sichuan, par encore Chongqing. On est dans le centre de la Chine, des régions dont on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas été explorée par les Occidentaux, ce serait excessif de dire ça, mais qui sont en tout cas relativement méconnues, avec des dangers réels. Les mauvaises rencontres sont possibles à tous les coins de rue, les voyageurs sont parfois amenés à traverser des zones dangereuses, des sentiers élevés, escarpés. Il faut aussi effectuer une part de l'expédition sur des cours d'eau qui peuvent se montrer extrêmement capricieux, hein, les courants, les tourbillons de ces grands fleuves qui traversent la Chine. Un jour, Victor passe même près de l'accident, alors que son embarcation est en train de traverser des rapides. C'est un voyage complet, total, c'est une immersion merveilleuse. Il découvre ce pays, il l'éprouve au sens de Segalen, il l'éprouve dans son immensité. Victor engrange des souvenirs, des observations, mais à sa manière, toujours. Jamais il ne décrit les vêtements, l'habitat, le mode de vie, les échoppes des hommes et des femmes qu'il croise sur les routes de Chine, nous dit Marie Dolé. Il ne mentionne pas non plus le mauvais temps, la pluie, les insectes, blattes, cafards, punaises, qui tiennent compagnie aux voyageurs. Seul l'intéresse les paysages, les tombeaux et les statues. Il les photographie abondamment, mais se soucie peu des habitants. Pendant ce long voyage, Victor Segalen élabore des projets littéraires aussi ambitieux, aussi stimulants qu'ils vont se révéler singuliers. Par exemple, il observe avec attention les stèles chinoises. Et il y a des textes, de courts textes écrits sur la pierre qui peuvent énoncer des lois, des messages spirituels, etc. Mais ça va lui inspirer une forme poétique très originale qu'il va développer dans un recueil devenu très célèbre, bien sûr, qui s'appelle précisément Stèles. Enfin, après avoir descendu le Yangtze, après avoir effectué un court détour par le Japon, les deux compagnons vont se séparer. Gilbert Desvoisins rentre en France. Quant à Victor, après tous ces mois de solitude, ou en tout cas de séparation, il retrouve Yvonne et leur fils. L'hiver 1910 s'achève déjà quand les Segalen se réinstallent à Pékin. Le détachement de Victor en Chine doit théoriquement durer encore un an, si l'on en croit les papiers administratifs. Je dis bien théoriquement, parce que, en vérité, le médecin écrivain a encore énormément de choses à vivre là-bas. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de ce Brestois, Victor Segalen, qui part en expédition à la découverte de l'Inde. Et finalement, en 1910, il s'installe à Pékin avec sa femme et son fils, normalement pour un an encore. Hein. Oui, alors en fait, pour tout vous dire, il est submergé par les projets. Ça y est, on peut dire que l'inspiration est là. D'abord, il est dans l'élaboration de son recueil poétique, Stèles. Il travaille aussi à ce qui va devenir le Fils du Ciel. Le Fils du Ciel, c'est une sorte de chronique méditative des échecs de l'empereur Guangzhou. D'autres projets vont mûrir dans son esprit, notamment un roman qui s'appelle René Lès, un roman plein d'ambiguïté qui joue sur la fascination pour l'Empire, encore une fois. Seulement voilà le printemps 1911, le moment où s'achèvent les deux années prévues d'élèves interprètes en Chine. Hey. Alors, c'est à ce moment-là que Victor apprend qu'un médecin français chargé de combattre une épidémie en Mandchourie vient justement de mourir et il va se porter volontaire pour prendre sa place, bien entendu. Ça va permettre de prolonger un peu les choses. Comme on peut l'imaginer, c'est une tâche ingrate et risquée. Le dévouement de Victor Segalen est tout à fait remarquable dans cette affaire. Et après cette mission que j'ai tendance à résumer, là, mais qui est en fait une mission très difficile, il est nommé à un poste d'enseignant dans l'université de Tianjin. On est là une bonne centaine de kilomètres de Pékin. Le problème, c'est que l'enseignement, pas plus que la médecine d'ailleurs, ne l'intéresse véritablement. Et puis Pékin lui manque. Dès qu'il le peut, il y retourne. C'est à cette époque, donc entre 1911-1912, qu'il est témoin de la chute de l'Empire. Vous savez que c'est la grande époque de l'effondrement de l'Empire millénaire de la Chine, multimillénaire, l'instauration de cette République, comme le souligne Simon Lech, je cite, « Le renversement de l'Empire le navre et le désespère. » Donc il est entretenu des illusions sur le régime mandchou. Sa corruption, son incurie, son obscurantisme n'étaient que trop évidents. Simplement, note-t-il, et on le cite là, la sublime fiction de l'empereur fils du pur souverain ciel était trop admirable pour qu'on la laissât perdre. Je hais les rebelles pour leurs attitudes apprises, leur humanitarisme, leur lavure de vaisselle protestante, et surtout parce qu'ils contribuent à diminuer la différence entre la Chine et nous. Cette différence, cet éloignement du modèle chinois, évidemment, c'est ce qui le stimule, lui. Donc il n'aime pas qu'on diminue les choses extraordinaires. Ça ne va pas empêcher Segalen d'obtenir un petit peu plus tard un poste de médecin auprès du fils de Yuan Shikai, qui est le grand leader de cette nouvelle Chine républicaine. Et encore une fois, il va nourrir d'autres envies, parce que je vous le dis, les occupations que lui trouve tantôt l'administration, tantôt la nécessité de survivre, ne sont pas ce qui l'anime au fond, bien sûr. En 1913, il finit par effectuer un voyage de quelques mois en France. Il revoit évidemment sa chère, j'allais dire sa Bretagne chérie, sa Bretagne natale, ainsi que tout ce que il retrouve ses amis, bien entendu, notamment le fidèle Gilbert Desvoisins. Et puis à nouveau, il met sur pied un projet d'expédition. Seulement cette fois, alors qu'il a, il dispose de cette vaste connaissance de la culture chinoise, et puis c'est vrai qu'il est encouragé par un certain nombre de ses relations, cette fois il met sur pied un projet résolument archéologique, de quoi nourrir de nouvelles ambitions pour l'avenir. Il se voit déjà revenu auréolé de découvertes, raconte Marie Dolé, et en bonne position pour obtenir, malgré un prévisible tapage chez les Sorbonnards, une chaire d'histoire de l'art chinois. Il n'escompte pas un succès immédiat, mais se voit finir sa carrière, et là on le cite de nouveau, dans la noble peau de professeur à la Sorbonne ou au Collège de France. Ainsi, le voilà de retour en Chine, accompagné de Gilbert Doisin et de son ami Jean Lartigue. Ils vont partir de Pékin et ils s'enfoncent à l'intérieur de la Chine pour mettre au jour un certain nombre de vestiges archéologiques. Ce sont des découvertes très importantes, hein, ne croyez pas que ce soit simplement de petites occupations d'archéologues amateurs. Des tombes impériales très anciennes sont mises au jour. Les semaines passent, très intenses, pleines de découvertes étonnantes. Ça doit être un moment vraiment très exaltant. En août 1914, ils sont en chemin près de Lijiang, dans le sud de la Chine, quand un messager tibétain arrive jusqu'à eux, et ce qu'il a à leur dire cueille, si j'ose dire, les trois compagnons. Eh oui, rappelez-vous la date, nous sommes en août 1914. Ah, c'est la guerre en Europe. C'est la guerre en Europe, il faut rejoindre Hanoï de toute urgence, Hanoï, ville française à l'époque bien sûr, et puis rentrer en métropole. Et à son retour, Victor est envoyé pour servir, donc dans ce cadre de la guerre, à l'hôpital de Rochefort, puis à Brest. Il va faire pas mal de démarches pour essayer d'obtenir d'aller au front, il n'y reste pas très vite puisque la maladie, il est quand même d'une nature assez fragile. La maladie va le rattraper assez vite. Il se remet au travail. Seulement, à ce moment-là, on peut dire qu'il n'est plus tout à fait lui-même et qu'une sorte de dépression lancinante l'a gagné. En 1917, il est envoyé en Chine dans le cadre d'une mission de recrutement de travailleurs. Seulement, ce voyage, vous savez qu'on a besoin de main-d'œuvre hein, à l'époque, bien sûr, et pour cause. Ce voyage ne lui apporte pas vraiment de satisfaction. Le Pékin impérial qu'il a tant aimé a disparu d'une certaine manière, ou en tout cas est en train de s'effacer, de reculer. Et à son retour, et ça, en Chine ça va très vite hein, les changements, même si le substrat reste toujours le même. À son retour en France, il est vraiment malade et sa maladie s'aggrave. Un jour de mai 1919, donc juste après la guerre, il disparaît et on retrouvera son corps dans la forêt du Helgoat, dans le Finistère. On le retrouvera avec une plaie, une grosse plaie à la cheville, et on peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un suicide, est-ce qu'il ne s'agit que d'un accident? C'est très difficile à dire, et je vais poser bientôt la question à mon invité, bien sûr. Il n'avait que 41 ans, Ségalène, à ce moment-là, et au moment où il meurt, dans ces conditions, dans ces circonstances assez mystérieuses, on peut dire que toute la majeure part de son œuvre est encore inconnue du public. Il est véritablement l'exemple d'un écrivain que l'on découvrira à titre posthume. Je suis ravi d'accueillir Yann Kefelec. Bonjour Yann. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous n'êtes jamais très loin quand nous parlons de Bretagne dans cette émission. Oui, ça me fait plaisir. Sauf que là, nous allons parler de Bretagne, de Chine et de pays imaginaires, puisque Victor Ségalène nous attire vers des horizons très lointains, vers des horizons très oniriques. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de cet écrivain médecin en Chine, Victor Ségalène, ce Brestois. Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, de plus en plus nombreux. Nous allons aller plus loin sur l'histoire de Victor Ségalène avec votre invité. Vous recevez l'écrivain Yann Kefelec. Et nous avons Erwan qui nous donne des photos de Brest. C'est un prénom du midi ça, Erwan. Absolument. Erwan qui connaît très bien Brest, qui vient de poster 4 magnifiques photos et qui nous dit les aventures de Victor Ségalène actuellement au cœur de l'histoire et quelques photos toutes récentes de la capitale du Ponant. Oh, il est gentil Erwan, il va me sauver la mise. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Brest était la capitale du Finistère. Et alors, c'est une avalanche de messages, cher Yann Kefelec. On nous dit que c'est Quimper, la capitale du Finistère. Pardon. Il y a énormément de capitales en Bretagne, c'est ça qui est le seul paradoxe breton. Nantes est la capitale de la Bretagne, Rennes est la capitale de la Bretagne, Brest est la capitale du Ponant. On peut aller ainsi jusqu'à Roscoff, sans hésiter. Saint-Malo et la capitale, c'est une certaine... Des corsaires bretons. Des corsaires. Bon, admettons. En tout cas, c'est bien la capitale du Ponant. Oui. Et par ailleurs, on dit bien Victor Segalen et non pas Victor Segalin ou Lan, comme voudraient nous faire dire certains. Bon, alors, justement, ce Victor Segalen est au cœur d'un mystère. Nous verrons, nous reviendrons sur sa vie après, bien sûr, mais quand même, réglons la question de cette mort mystérieuse. Que lui est-il arrivé dans la forêt de Belgoat? J'ai bien aimé tout à l'heure entendre parler de l'expression « mal du pays ». Oui. Segalen est à nouveau en Bretagne, il est à Belgoat, à l'hôtel d'Angleterre, si je ne me trompe. C'est très beau, Belgoat, hein, on est dans le cœur. Prodigieusement beau, d'ailleurs, à Belgoat, l'été prochain, il y a un colloque Segalen, où je pense que l'on va évoquer le mystère et le paradoxe de la mort de Victor Segalen. Il est parti faire une petite promenade au milieu de ces pierres étranges, environnées de légendes, la mare aux fées, la roche tremblante, et là, il a ce mystérieux accident à la jambe. C'est-à-dire, on le retrouve vidé de son sang avec une blessure au bas de la jambe, autour de la cheville. On s'aperçoit qu'il s'est vraisemblablement fait un garrot, mais on est absolument pas sûr qu'en se tranchant la cheville sur cette tige biseautée, il ne l'a pas fait exprès. Et voilà. Mais s'il s'est fait un garrot, c'est qu'il aurait eu des remords, bon médecin qu'il était. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé. Je me suis dit, peut-être a-t-il tenté de mettre fin à ses jours de la manière la plus douce possible, et peut-être en recourant, je ne sais pas, à un procédé chinois, parce que qui consisterait à s'entailler une artère. Et ce vidant, voyant son sang, le médecin aurait réagi, n'aurait pas supporté la vue du sang, et aurait tenté de se sauver la vie. C'était une époque de sa vie où il était dans le mal du pays. Mais le mal du pays n'était pas la Bretagne. Non. C'était le mal de cette Chine, qu'il avait construit tout au long de sa vie, et pays où il n'arriverait jamais, où il ne retournerait plus jamais. Il était neurasthénique, il l'écrivait régulièrement à ses amis. Il ne savait même pas de quel mal il mourait. Il sentait que la vie était en train de lâcher. Ce sont ses propres mots, alors que les examens médicaux le donnaient gagnant partout. Il n'avait pas la syphilis, il n'avait pas mal au foie, il n'avait pas mal aux reins, il n'avait mal nulle part. Mais la vie s'éloignait de lui, et cette fois, elle s'est éloignée de lui définitivement. Définitivement, là, évidemment. Est-ce qu'au moment de sa mort, il est déjà quelqu'un de connu, voire de très connu? Il est quelqu'un de très connu en tant que spécialiste de la Chine. C'est-à-dire pas comme écrivain en tant que tel. Hein. Non, pas. En plus, il n'a publié que 3 livres lorsqu'il meurt. Mais surtout, la Chine est une planète à part. Personne ne connaît la Chine. Tout à l'heure, lorsque vous évoquiez comme ça ces grands voyages à travers la Chine, c'est exactement comme l'Afrique. C'est-à-dire, on connaissait la Chine on connaît les côtes, mais en revanche, on se garde bien de s'aventurer dans cette Chine profonde, éloignée de tout ça. Centre médical, où finalement mourir est la chose du monde la mieux partagée. Lui, il l'a fait. Vous évoquiez sa santé fragile. Ce qui est extraordinaire, c'est quand même, il a attendu d'être revenu en France pour avoir une espèce de gastro-entérite à Dixmude, alors qu'il a eu toutes ces aventures en Chine au cours desquelles il ne lui est strictement rien arrivé. Il est fragile mais résistant, si je puis dire. C'est un roseau qui plie et qui d'ailleurs se plie pour épouser les réalités du pays qu'il découvre. C'est ce qu'il y a de merveilleux chez Segalen. C'est cette ouverture. Segalen s'est totalement enchinoisé au contact de la Chine. Il a été accepté partout. C'était un homme extrêmement doux, extrêmement flexible, qui ne s'est jamais comporté en conquérant. Il n'est jamais arrivé avec une attitude arrogante à l'occidental. Au contraire, il n'a cessé de vouloir se chinoiser au maximum, jusqu'au moment d'ailleurs où, lorsque Sun Yat-sen a pris le pouvoir, il a refusé cette occidentalisation des choses, et cela l'a un tout petit peu, ça l'a mis dans un état de porte-à-faux total par rapport à cette nostalgie d'une Chine qui ne reviendrait plus jamais. À la fois, il n'y retournerait pas, et en même temps, l'impérialisme chinois était mort. Ce qui ne veut pas dire que lorsqu'il rentre en Bretagne, il n'est pas heureux de retrouver sa Bretagne. Parce qu'à côté de ça, il aime vraiment cette Bretagne. Vous savez, un Breton, il emmène sa Bretagne partout. La Bretagne, c'est sa propre cité interdite. Lorsque vous vous baladez à travers le monde, vous trouvez des Bretons absolument partout qui sont capables de vous donner l'heure des correspondances à Redon de la Micheline qui part de Brest à telle heure, en versant des larmes, alors qu'ils ne reviendront jamais dans leur Bretagne. La Bretagne intérieure est au moins aussi importante que la Bretagne intramuros pour le Breton. La Bretagne intérieure, voilà, un un bon titre, n'est-ce pas? Je pense que cette Chine que Ségalène n'a cessé de vouloir rencontrer, cette Chine interdite, cette Chine de la cité interdite, correspond à sa propre Bretagne intérieure également et à son propre ego le plus subtil. C'est un homme qui était dans une quête éperdue de lui-même. Ne se trouvant pas lorsqu'il vivait en France, il est parti le plus loin possible, de manière antipodique, comme il l'a dit. J'aime énormément ces frontières antipodiques que vous avez évoquées tout à l'heure, dans l'espoir, là-bas, de trouver cette vérité qui s'est toujours dérobée à lui. Et aussi singulier soit-il, ça n'était pas une démarche unique à cette époque. Loin de là, on a oublié à quel point, dans ces années 1900, très nombreux sont les amoureux de voyage qui vont comme ça chercher leur vérité ailleurs, d'une certaine façon. Évidemment, on pourrait parler de Charles de Foucault, le nombre d'exemples est quasiment infini. On était infiniment ouvert sur le monde. C'est vrai que la France à l'époque est un très grand empire colonial, mais au-delà du colonialisme, il y a la recherche de l'ailleurs et du monde. L'ouverture est extrême à cette époque. C'est autour des explorateurs, mais nombreux qui aient pu être les explorateurs, c'était quand même pas... Ils n'étaient pas légion non plus. C'est-à-dire que Ségalène était tout de même considéré comme une bête curieuse lorsqu'il revenait chez lui, alors que lui ne considérait absolument pas les Chinois comme des bêtes curieuses, alors que le Chinois, c'était l'étranger par excellence pour le Français. C'est une autre planète. C'est une autre planète. On se méfie du Chinois. Il est dans une autre chronologie que la nôtre. Il est pratiquement dans une autre histoire que la nôtre. Il n'a jamais tenté, lui, de conquérir le monde. Il ne s'est jamais aventuré sur les mers. Il a inventé la boussole, mais pour autant, il n'est pas devenu un marin. L'astronomie, il sait parfaitement ce qu'il en est. Il n'en a pas fait une science. Il n'a pas cherché à conquérir ses voisins. C'est vraiment un monde tout à fait à part. Et Ségalène devient la clé de la compréhension du monde chinois à ce moment-là. Je repense à ce que nous disions l'autre jour de Puccini à propos de Turandot et de cette inspiration sinisante très forte au tournant du XXe siècle. On peut dire de Victor Ségalène qu'il est une des expressions de ce mouvement-là, une des expressions peut-être la plus pure, la plus belle. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Cet après-midi, nous voyageons sur Europe 1. Nous voyageons grâce à Victor Ségalène, cet écrivain brestois qui a passé une partie de sa vie en Chine. Et d'ailleurs, nous avons un tweet de Kiki qui nous dit « Merci à vous pour cette émission incroyable. J'apprécie les savoirs divers de Franck Ferrand et cela m'a suscité le mal du pays, l'envie d'y retourner. » Effectivement, nous en parlons. Envie de retourner en Chine. En Chine, bien sûr. Nous parlons de la Bretagne, de la Chine et surtout du destin de Victor Ségalène avec votre invité, l'écrivain Yann Kefelec. Alors, justement, il faut que nous revenions sur les origines de Victor Ségalène. J'étais très allusif tout à l'heure. J'ai dit qu'il avait souffert du caractère un peu étriqué, petit bourgeois de l'éducation qu'on lui avait donnée. Est-ce qu'on peut dire ça, Yann Kefelec? Brest est tout sauf une ville étriquée, c'est tout sauf une ville grise, c'est tout sauf une ville ennuyeuse, mais il est vrai que Ségalène a été élevé dans une famille un tout petit peu étroite d'esprit. Il s'est retrouvé dans un collège de jésuites, Bon Secours, qui depuis n'existe plus. Et c'est vrai que là-bas, il a plutôt été dressé à une morale extrêmement sévère, avec des parents particulièrement durs avec lui, notamment sa mère, l'autorité de sa mère, dont il a constamment souffert, et qu'il a privé de l'amour fou qu'il a éprouvé une première fois pour une jeune fille, qui a cassé cette union. Et je pense qu'il ne s'est jamais remis, justement, de la mort, de la disparition de ce premier amour, du fait de l'autorité maternelle. D'ailleurs, il a utilisé l'autorité maternelle pour en faire un de ses personnages dans le Fils du Ciel, quoi, l'horrible douairière comme ça qui fait mourir la fiancée du jeune empereur. C'est à l'évidence au personnage de sa mère qu'il a pensé. Donc Ségalène, finalement, n'a eu de cesse que d'échapper, sans d'ailleurs l'avoir choisi véritablement, sans l'avoir ressenti véritablement, que d'échapper justement à cette influence familiale très dure qu'il éprouvait dans la ville de Brest. Est-ce que devenir médecin était le meilleur moyen pour échapper à ça? Il n'a été finalement ni médecin, ni marin. Ce sont les circonstances de la vie et la nécessité d'une insertion sociale qui ont fait de lui sans doute un assez mauvais médecin et à l'évidence un très mauvais marin. Mais le fait est que grâce et à la médecine et et à la marine. Il s'est retrouvé en Polynésie où là, ça a été, alors là, ça a été un choc. On peut dire que la grande révélation, elle s'effectue là-bas, en Polynésie, en Océanie. Vous avez bien fait de rappeler tout à l'heure qu'il était, avant d'arriver en Polynésie, il était passé par San Francisco. Ah oui, mais c'est vrai. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en effet, le Chinatown, c'est devenu ça, c'est là qu'il a été mordu, qu'il est tombé dedans, oui, là, à ce moment-là, oui. À Chinatown. Il a redécouvert à Chinatown l'opium, très certainement, opium que la marine française, faut pas trop le dire, mais c'est pourtant la vérité, que la marine française avait considérablement vulgarisé dans les bars de Brest et pas simplement dans d'autres villes comme Paris et Toulon. L'opium, c'était pas du tout extraordinaire d'en fumer à cette époque-là. Aujourd'hui, le cannabis, non au cannabis, mais à cette époque, c'était oui et non, oui, à, non l'opium. À l'opium. Ça dépendait des circonstances et des opportunités. Il y avait goûté l'ami Victor, et c'était déjà pour lui un moyen d'échapper à la morale très stricte inculquée par sa mère. C'était aussi l'envie de comprendre. Il s'apercevait qu'il était tout à fait autre chose que le petit bonhomme que l'on cherchait à faire de lui. Il était en quête d'un grand Victor Segalen, en contact quotidien avec le petit Victor Segalen que l'on voulait faire de lui. San Francisco était une étape supplémentaire vers la désinhibition et vers la libération. Polynésie, ça a été la révélation. Ça a été la révélation parce que ça a été un monde en couleur. Un monde en couleur et un monde en liberté. Jusqu'ici, sa vie était un peu en noir et blanc. Et là, d'un seul coup, c'est la couleur. Pas du fait du ciel de Brest qui est le plus mouvementé. Non, non, c'est parce que je voulais dire. Le ciel le plus mouvementé. On va parler d'un camaïeu de bleu, si vous préférez. Le camaïeu de bleu et d'or aussi. Et d'or. Mais il n'y a aucun doute que la Polynésie, pour lui, ça a été cette révélation à la fois de la liberté, de la violence du climat, et en même temps de la liberté de l'individu, de l'être humain. Donc, son ouvrage, Les Immémoriaux, est extrêmement révélateur à cet égard, parce que ce missionnaire, comme ça, qui essaye de ranger les Maoris comme ça dans des cases où ils n'ont pas envie d'entrer. C'est exactement ce que Segalen n'aura de cesse de combattre à la manière de Gauguin. Il veut que l'homme soit libre et qu'il puisse vivre nu s'il le souhaite. Vous avez prononcé le nom de Gauguin. On parle de couleur. Je pense que le fait de s'être occupé du legs de Gauguin a dû jouer un rôle également. C'est extraordinaire d'ailleurs parce que Gauguin est tout de même passé par la Bretagne aussi. Oui, l'école de Pont-Aven, c'est Gauguin. Et ensuite, donc Gauguin découvre la couleur en Bretagne, la transporte ensuite sous les tropiques où il la retrouve sous les tropiques. Et là, il a cette maison complètement ahurissante qui va fasciner Segalen lorsqu'il la découvrira, allant récupérer les affaires de Gauguin après sa mort. Cette maison qui s'appelle la maison du jouir, c'est l'art poétique, l'art existentiel de Gauguin. C'est écrit la maison du jouir au-dessus de sa porte. C'est écrit sur les côtés, gravé dans des poutres de bois. Soyez mystérieuse et vous serez amoureuse, soyez amoureuse et vous serez heureuse de chaque côté. C'est absolument inouï pour un Segalen élevé par les jésuites qui se dit « Mon prochain livre s'appellera Le Maître du Jouir ». Et il a écrit d'ailleurs sur la fin ce fameux « Maître du Jouir » qui est une manière de rendre la monnaie de sa pièce à sa mère qui ne voulait surtout pas que son fils pût connaître la jouissance. Parce que la littérature est là maintenant, elle fait partie de lui, et la poésie. Et un autre personnage d'ailleurs auquel il attachera ses pas, c'est Rimbaud, encore un grand aventurier et grand poète. La littérature est là, mais pas seulement la littérature, c'est extraordinaire. La littérature, effectivement, il va la découvrir et ce sera son mode d'expression. Mais il a appris le violon, il a appris le piano, Segalen. Il se pense voué à la musique. Il essaye de placer un livret à Debussy. Malheureusement, Debussy n'apprécie pas son Siddhartha, qui pourtant est un beau personnage, comme ça, où le dieu du bouddhisme est à la fois un dieu de la joie et un dieu de la voix. Il essaye de réconcilier sa mère et ce qu'il est en train de devenir dans ce livret qui ne plaît pas à Debussy, qui le trouve un peu trop compliqué et qui préfère Maeterlinck à Segalen. Je parlais de Rimbaud. Alors, c'est une Rimbaud, découverte. C'est un homme qui est fou d'art, Segalen. C'est un trait de l'époque. Quand on est cultivé, on n'est pas à moitié. On n'est pas simplement amoureux de la musique, amoureux de la sculpture, amoureux de... Lui, c'est un homme universel. Il est fou de littérature, il est fou de poésie. Et Rimbaud, c'est son maître. Il a envie d'être Rimbaud ou rien, hein, à la manière de Chateaubriand. Donc, Et c'est vrai qu'il va mettre non pas tout à fait ses pas dans ce de Rimbaud, mais il est tout de même dans une quête du délire des sens qui va l'amener à voyager énormément, comme l'a fait Rimbaud. Il va passer par Djibouti, d'ailleurs, Ségalène, et là, il va rencontrer des gens qui ont connu Rimbaud, qui vont lui parler de Rimbaud. Qui ont connu le deuxième Rimbaud, d'une certaine manière. Qui ont connu le deuxième Rimbaud. Celui qui était devenu négociant. Rimbaud et son double, d'ailleurs, c'est bien ça qu'il a écrit. Le titre même, lui. Celui qui non seulement était devenu négociant, mais il était devenu analphabète. C'est quand même ahurissant. Après avoir été le plus grand maître de la langue. Après avoir eu l'intuition de ce qu'était la langue dans ce cas-là de plus incandescent, l'homme qui était passé de la langue au langage, à l'état pur, c'est brusquement analphabétisé. Et Ségalène se demande s'il n'est pas habité par le même démon qui consisterait justement à se trouver grâce à l'exotisme le plus abandonné, le plus éloigné. Exotisme à la fois. Un exotisme sans pittoresque, c'est un exotisme pur, la question. Vous avez parlé de Loti tout à l'heure, contrairement justement à celui de Loti qui ne cessait de mettre en lumière et d'exagérer la couleur locale, quitte à devenir d'ailleurs un tout petit peu, c'était des chromos, quitte à devenir pas toujours totalement crédible. Non. Lui, Ségalène, ne décrit pas en effet les mœurs comme ça de toutes les régions chinoises qu'il traverse. Il est plutôt embrasé par un amour de dire l'art de ces lieux et de traduire sur un plan à la fois philosophique et lyrique ce que représente l'exotisme pour lui. C'est un exotisme de l'éloignement, mais c'est aussi un exotisme du temps. C'est-à-dire, il ne cesse de parler de l'expérience, de la durée, de l'étirement du temps sur lui grâce à la Chine. Eh bien voilà, ça c'est quand même étonnant. Alors, bien sûr que la Chine a maîtrisé le temps, et c'est peut-être ce qui l'a fasciné, mais on aurait pu imaginer que cet homme qui découvrait en quelque sorte une nouvelle liberté en Polynésie, en Océanie, loin de quasiment toute référence, et qui mettait très haut et Gauguin et Rimbaud et d'autres, n'allait pas trouver son lieu d'élection dans la Chine, qui est tout le contraire. La Chine, très vieille culture, ultra codifiée, etc. Comment est-ce que Ségalène a pu se retrouver dans la Chine? C'est la question que nous allons nous poser maintenant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous nous emmenez à la découverte de Victor Ségalène, ce poète breton parti en Chine. Et nous le découvrons grâce à votre invité, l'écrivain breton aussi, Yann Kefelec. Pouvez-vous m'expliquer ce qui a pu à ce point fasciner Victor Ségalène dans la Chine impériale, dans la Chine immémoriale? Yann Kefelec. Je pense que c'était un... Je vous ai parlé d'une quête éperdue de lui-même. Je pense qu'il cherchait ce qui était le plus opposé à ce qu'il était. En même temps, c'est vrai qu'il est dans le tempérament breton de franchir les horizons, encore aujourd'hui, et d'aller le plus loin possible sur un plan géographique, finalement pour regretter ce que l'on a quitté, à savoir sa Bretagne. Et il a, dans René Lès, il a parlé de cette fameuse... Cité interdite, c'est le roman le plus étrange de Ségalène, René Lès. Je pense que c'est vers ce texte que j'orienterai ceux qui n'ont pas encore lu Ségalène et qui souhaiteraient le découvrir, parce que sans être un texte autobiographique, c'est tout de même une espèce de roman où il dit bien que sa vérité lui échappe constamment, sa vérité à lui, et qu'il ne trouve sa propre vérité qu'à travers les signes qui sont les signes du langage. Ces signes, ces fameux signes du langage ne sont jamais si beaux, si étranges, si arborescents que ceux du langage chinois. Et pour cause, oui. Donc, ils ont des œuvres d'art à part entière. Chaque idéogramme chinois est une œuvre d'art. Et c'est vrai qu'il a été extrêmement sensible à cette manière de dire les choses qui est celle de la langue chinoise et de l'écriture chinoise, de les dire, de les suggérer et de ne pas les dire. Et en même temps, de les offrir à la liberté de compréhension de celui qui les découvre. Avec Ségalène, on est à la fois dans le royaume du signe qui dit la vérité et du signe qui ment, ou en tout cas qui laisse libre l'autre de son interprétation des choses. Et ça, je pense que c'est ça qui a fini par le happer totalement dans cet univers chinois, dans cet émerveillement chinois. C'est qu'à la fois, lui qui n'osait pas dire véritablement qui était avec l'éducation qu'il avait reçue, c'est-à-dire un homme sensuel, un homme pas forcément fidèle, un homme attiré par les paradis artificiels, grâce à cette manière demi-mensongère et enchantée de dire les choses, il arrivait à être finalement en phase avec sa morale. Je trouve peut-être utile, si vous voulez, de dire un petit extrait de René Lest, justement. C'est vers le début du roman, ça parle de Pékin. On ne peut disconvenir que Pékin ne soit un chef-d'œuvre de réalisation mystérieuse, écrit-il. Et d'abord, le plan triple de ces villes n'obéit pas aux lois des foules cadastrées, ni aux besoins locataires des gens qui mangent et qui peuplent. La capitale du plus grand empire sous le ciel a donc été voulue pour elle-même, dessinée comme un échiquier tout au nord de la plaine jaune, entourée d'enceintes géométriques, tramée d'avenues, quadrillée de ruelles à angle droit, et puis levée d'un seul jet monumental, habitée ensuite et enfin débordée dans ses faubourgs interlopes par ses parasites, les sujets chinois. Mais le carré principal, la ville tartare mandchoue, fait toujours un bon abri aux conquérants. Et à ce rêve, au milieu, dans le profond du milieu du palais, un visage, un enfant, homme et empereur, maître du sol et fils du ciel, que tout le monde et les journalistes s'entêtent à nommer Kuang Siyu, qui est la marque du temps où il règnera, c'est-à-dire après Jésus-Christ de 1875 à 1908. Une très grande liberté dans l'écriture. J'ai plusieurs fois effleuré la question du style de Victor Segalen. On n'est pas très loin parfois d'une forme de néologisme avec lui. Hein. Il triture la langue, il essaie de lui faire rendre gorge, si je puis dire. C'est un style incroyable, incroyablement insaisissable, pour moi, mystérieux. Je n'arrive toujours pas à savoir si j'aime le style de Segalen ou s'il me laisse froid. Non, je lis ça, j'ai un peu honte parce que j'ai énormément d'admiration, j'ai une affection énorme pour lui. Ça s'entend. Je n'ai pas un amour pour lui, mais j'ai une affection énorme pour lui et son style à la fois m'intéresse. Il n'y a pas de doute, il y a un véritable style. Il y a une aisance d'écriture qui est une aisance très concertée, très travaillée. Mais en même temps, il y a quelque chose qui ne me touche pas complètement. Parce que, à la manière du breton, il a été fou de Bretagne et fou de langue bretonne. D'ailleurs, il savait parler breton. À la manière du breton, on sent bien qu'il va droit à l'image, qu'il va droit au mot concret, comme ça, qui immédiatement fait mouche dans l'esprit et dans l'imaginaire du lecteur. Mais quelque chose, en même temps, ne passe pas. J'ignore quoi. Alors, j'aime énormément les lignes que vous avez lues, cette description de la cité interdite. Presque classique, mais il y a des passages qui le sont nettement moins, il faut le dire. Ah, mais de toute manière, dans Stèle, on voit, s'il est attiré à ce point par la poésie, c'est également parce que la poésie lui permet cette liberté d'écriture que la prose, théoriquement, déchirer la phrase un peu comme ça. Un peu à la manière de Rimbaud, hein, précisément. Et emmener les mots emmener la compréhension des mots à la limite de leur coefficient d'élasticité aussi, jusqu'au point de non-retour du mot sur sa signification d'origine. C'est un grand styliste, il est fasciné par l'écriture, mais il n'y a pas comme chez Rimbaud ou comme chez Baudelaire, il n'y a pas brusquement le lecteur qui est emporté dans le frisson comme ça de l'écriture lié au style de Segalen. Non, mais il y a d'une certaine manière une revanche de Segalen, par exemple sur un Pierre Loti qui, de son vivant, qui en 1900 était l'auteur le plus vendu, qui était une espèce de gourou, de mythe vivant, et qui aujourd'hui n'est quasiment plus lu, alors que Segalen ne l'a jamais tant été. Vous avez tout à fait raison de dire ça, et peut-être suis-je totalement dans l'erreur en disant ce que je viens de vous dire. Je pense que le style de Segalen est un style pionnier, voilà, un style devancier, et que maintenant, moi-même d'ailleurs, j'ai peut-être commencé à le comprendre, et que si Pierre Loti a disparu et que Segalen était contraint de se mettre à briller aujourd'hui, c'est aussi grâce au fait que la Chine est en train de devenir en train de devenir le pays de l'avenir, un pays où on va tous avoir besoin d'aller, dont on va justement, je me disais, vous allez nous dire qu'il va falloir apprendre le chinois, il est temps qu'on s'y mette, nous. Je pense effectivement que je déplore de ne pas déjà savoir parler chinois, écrire le chinois, mais je pense qu'il va falloir s'y mettre et qu'on va découvrir des mondes merveilleux de littérature chinoise et d'art chinois qui, pour l'instant, nous sommes totalement d'étrangers. D'histoire, ça passionnait Segalen, qui était quand même, ne l'oublions pas, aussi archéologue. C'est un aspect que nous n'avons pas évoqué, mais qui est très important. Hein. C'est immense, d'ailleurs. Si je ne me trompe, il a découvert une statue. C'est une découverte énorme. Hein. C'est aussi important que la découverte des pyramides. Il a découvert, il a mis à jour, comme ça, des tombeaux funéraires énormes. Impériaux, oui. Dont il a été l'inventeur. Et notamment ce cheval grandeur nature en train de dominer un barbare qui remonte à, je crois, à 117 ou 120 ans avant Jésus-Christ. Merci beaucoup, Yann Kefelec. Je rappelle que vous êtes notamment, entre autres tellement nombreux ouvrages, l'auteur du Dictionnaire amoureux de la Bretagne, chez vous.